Everyone, I'm gonna be the one. busy abuwa bana ta baba ne nyinga wa waga ndoma yanze be tibe nanga nouvelle generation ndo ya yo oh wa ya yize ani bi afola ya lilo janga bana yina nyinga ni mot awo tindo aka lo bana tinga sulo manguma janga janga Yo ma, hello nana my yo. Hey y'all think the back and number more than Jean Marie Ahanda. Ay na ni. Be best. Yeah you son. And the back of the name mina. Corolla. Ah but even na no. Let's even na ma. Let's even na ma. Seven number papa. Yeah. e bam bam ba zaman dengamze e bam bi yele zo muze bikubin kala uza meboro e wo banga longa badi za e wo banga longa badi Za zae mayone ay mina ya mati karma ay sheri ya mati za long ay mina ya mati za long ma ni bon zam ni mati za karma ye koko o koko e koko za karma ye koko ye koko za karma. We'll be right back. Nous sommes les entêtés, envoyés depuis les étoiles. Nous ne brûlons pas la tête, nous pigeons les débordoirs. Nous sommes les entêtés, envoyés depuis les étoiles. Nous ne brûlons pas la tête, nous pigeons les débordoirs. Commissaire, brûlez, brûlez, passe, passe, dévise. Qu'est-ce qu'ils ont donc dans la tête, les vis? Non, non, brûlez, brûlez, campure. Vincent, Vincent, Vincent, Vincent. Nous sommes les entêtés, envoyés depuis les étoiles. Nous ne brûlons pas la tête, on purge en les dévotoires. Les entêtés, envoyés depuis les étoiles. Nous ne brûlons pas les têtes, nous brûlons les dévotoires. Brûlez, brûlez les faux sœurs. Ils n'ont pas de tête, vrai Dieu commissaire. Brûlez, brûlez, passe, passe, dévise. Qu'est-ce qu'ils ont donc dans la tête, le vise? Non, non, brûlez, brûlez, campus. puis les étoiles. Nous n'oublions pas la tête. Nous puissions les dépotards. Brûlez les penseurs. Ils n'ont pas de tête, de Dieu commissaire. Brûlez, brûlez, on se passe des vices. Qu'est-ce qu'ils en ont dans la tête, le vice? Histoire.